Merci, merci Paris, ami d'enfance. Merci, merci Paris pour tes cadeaux. Tu m'as donné Paris, ça c'est de la chance. Tous tes poules beaux, tes grands boulevards et tes moineaux bavards. Allez, allez Paris, viens à la fête. Dans tes petits bals Paris, y a de la rengaine. Fais-moi danser Paris, tourne-moi la tête. Du long de la Seine au Luxembourg, j'aurai des scènes d'amour. Bras dessus, dessous. Remontons les Champs-Élysées, quelle joie. À chaque pas c'est fou. Il y a tant de belles choses à regarder, j'en suis baba. Garde tes bijoux, Paris, je te l'assure. Fais pas de folie, Paris, pour mes beaux yeux. Garde tes robes de Paris et tes fourrures. C'est trop pour moi, c'est merveilleux. Merci, merci, Paris. Assez, assez, Paris, je suis pompette. Comme lorsqu'on boit Paris, trop de vin clairet. Pour m'enivrer, Paris, j'ai ma recette. Lido, Châtelet, Grévin, Eiffel, c'est le plus fort des cocktails. Attends un peu Paris, j'ai le cœur qui flanche. Tu es si grand Paris, je suis fatiguée. Arrêtons-nous ici, sur la place Blanche. Ça va se passer, tu es galant, ce que je peux t'aimer mon grand. Je rentre chez moi, rue Saint-Vincent, à deux pas du Moulin. C'est aussi chez toi. J'y suis heureuse, heureuse, heureuse, et puis si bien. Mais quand je vais Paris, à Notre-Dame, je suis à Thanos, Paris, c'est prodigieux. Quand les grandes heures Paris guident leur âme, je crie mon Dieu, c'est beau la vie, et puis merci. Merci, merci Paris.